la fraîcheur d'un matin, des bateaux sur la grève, le visage des gens que le soleil éclaire, le rire des enfants, les élans de la danse, les lèvres des amants qui se touchent en silence. Dans les rues des dédaignats, dans ces forêts, dans ces rivières, la vie éclabousse et s'étend. Dans la lumière, ici renaît l'espoir de fête et de hasard. Des chevaux galopants en travers de la lande, les caresses du vent sur les champs de lavande, l'envol d'un goéland sous les brumes diaphanes, un parfum rappelant les grandeurs océanes. Dans les rues des dédaignats, dans ces forêts, dans ces rivières, la vie éclabousse et s'étend. Dans la lumière, ici renaît l'espoir de fête et de hasard. Voici nos privilèges qui ne sont pas fermés dedans des châteaux forts. Voilà nos vrais trésors. Voici nos privilèges qui ne sont pas fermés.